mariage de M. Cornelis Jean-Paul, ébéniste, 30 ans, d'Avin. Ce témoignage a été enregistré au mois d'avril 1980 par M. Deschênes et Nichols. Qu'est-ce qui vous a donné le gosse du fils Mesty, là? Qu'est-ce que tu as fait une question? C'est bien arrivé à quoi? Le gosse de le goût de faire le métier. Et voilà. Pas dire et voilà, mon fils. C'est-à-dire qu'à ce compte, j'ai pas refusé à être le fier à le bois et d'après le bois parce que ça me pue autant que le fier. Ça se dépose où là? Ah, des plus où là? Sous la main. C'est-tu Ken Skoll à Don Bosco? Et Justin à Don Bosco à Rue, et puis à Devon Sekolalic, dénommé Isibic. Qu'est-ce que c'est pas ce que Skoll est la veille d'Ilic? Ce qu'il a fait de la sculpture, de la ministrie, de la restauration de mouvance. Parce que ça a pu être moi, quelle fière que t'as fait ces scones-là. Non, c'était parti de ce moment-là que j'en ai bien. Mais. Disons, de l'homme qui s'est dit qui m'a emmerdé, c'est moi. Qu'est-ce qu'il dit pour causer, mais. Non, j'ai déjà fait net les sauts avant les vouilles, net bromin, déjà j'ai travaillé net de tous les costés, de mettre toutes les places, et puis... Non, pas du tout, travaillé sur les routes, travaillé, devant les petits points, devant les travail saisonniers, et puis... Et puis je me rends compte qu'il y avait un caractère qui est incompatible avec le site des autres ou que c'est impossible qu'il travaille pour les autres. Donc, j'ai stati machine et hostel et j'ai stati à travailler moi-même, tossu et en noir. De par la connaissance d'un antiquaire, j'ai travaillé pour lui. Au début, il m'a exploité. Et à cette heure, c'est lui qui va interdire. Mais... Comment dire? Alors! Alors! Qu'est-ce qu'ils ont mis, Charles? Rien qu'il tient. Les gens voulaient qu'ils tiennent parce que ça représente les capacités de vécu longtemps. C'est vrai, parce que quand on trouve un peu de tiennes, les gens d'avoir Charles, ils vont se meubler en chaîne, mettre dans un nouveau magasin et attireront dans le Camelot. D'où il n'aurait plus avoir d'investissement dans la région, il n'y aura plus d'épargne, puisqu'ils mettront leur argent dans des nouveaux meubles qui ne valent rien. Tu vas plus à bien de la région ou à Flamin à des gens? En flamand. Oui, jamais en dehors de la région parce que non déjà d'héritage en héritage. Mais Jazzy a été aimé des meubles du blond bois qui dirait à Bruxelles. C'est le blond bois pour le Bruxelles. Oui, mais ça va arriver pour nous autres aussi, hein. Parce qu'il n'y aurait rien de tient tout le temps. Malheureusement. Ou bien, Adam, il ferait des gros portefeuilles pour ça. Sposati. Bon, allora. E ho anche il sogno di Charles. De... Pas mal qu'est-ce qu'il me connaît. Eh bien, les bons meubles de Charles, il sait que... qu'est-ce qu'il est en bon état. Ah, mais nous, le temps de garde-robe, de tonneva, à n'importe qui, mais je vous connais, mais qui c'est le bon meuble de tienne, qu'elle ne va te dire. Que si je stage plus malin, je montre le bon meuble de tienne, et j'ai diminué les rapports. Alors, toi, social, pour. On arrive à essayer de faire une saquette. Autre port. Pour une. Règle pour satisfaction personnelle. Comme c'est domestique, il n'y a rien compliqué. Il suffit de travailler pour gagner de vie. Et que j'aime bien de travailler, j'ai là tout le temps. Ce qui se fait que j'ai trop de temps pour moi, ou pour mes petits besoins, parce que j'ai le luxe me dégoûte. Alors j'ai stacté le monde commercialement parlant extraordinairement bien pour Antiquité. E già fare un tour, e già fare un plonci, e le autres sono jaloux. Ma ça ne m'en fout. Et puis il va faire des ennuis. Non, parce qu'il a été un char, d'accord. Si il a été un char, il me fait monter des ennuis, mais comme. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai investi le plus possible tous mes derniers ans, que ce soit dans un bon bâtiment ou dans les meubles. De toute façon, investir le plus possible pour pouvoir aider le plus possible qui j'aurais envie d'aider à ce moment-là. Alors, ça veut dire que demain, témoignage de Monsieur Hauteclair Constantin Joseph Danté, jardinier, témoignage qui a été recueilli au mois d'avril 1980 par Messieurs De Chêne et McGills. Après vos primaires, qu'avez-vous fait? Après les scoles primaires, j'en ai allé à rue. Et je suis travaillé comme apprenti pâtissier. Où est-ce cela? À Rue des Ponts. Et mon massard. Quand on fasse le collégial. Quand on fasse de l'arbre. Et puis, ravisez par quoi l'histoire là? Oui, j'ai la même famille Casteur. Pourquoi? Ben, parce que on serait travaillé fini pour moi, mais enfin, j'aimerais travailler fini. Et l'annuaire des seuils, il est plus arrive. Il me semble qu'il est moins compliqué. Et puis, on a supprimé de ces belles petites coins, de ces belles petites coins des rues, que j'en peux lâcher et qu'ils n'y verront jamais plus. Voilà. voilà pourquoi j'ai un FMI hier, alors Castor. C'est du K-Coin qu'on a supprimé, Gastine. Ben, vous avez déjà monnaie, non? Surtout cela. Et puis, il n'y avait que les gros magasins, là, au drapeau belge, là, qui peint des fruits de mousse à l'île-pont. Ça, c'est un circuit qu'on venait de coster. On sait qu'on veut autre part à l'étranger en pont qu'un boire des morons comme une roue. On est très wary. Et à eux, ils ne vivent qu'en dessous là. On ne sait rien, mais pas ça. Et on a raillé. D'ailleurs, on a raillé les mettons d'Alroux, du Namur. Je ne sais pas que mec en homme sur roule l'acheteur, mais. Le roule du Namur, enfin. Moi, je suis le roule du Namur, l'acheteur, je ne sais pas que mec en l'homme. Il y en a encore. Les petits quartiers de la plaie, là. C'est quand tu as transformé. Quand tu as transformé. Et le Steven Pébia de Valtin. Acheteur, on ne veut plus que. Voilà, pour le moment, on ne veut plus que déploie. C'est tout déploie de ce monde-là. Mais non, c'est des Drimhorn qui nous tiennent à Mostrer et on a envoyé en Mostrer, voilà, je suis quelque l'air. Hein. Et vous avez mis un rue pour les gens aussi, quand vous étiez apprenti. Pour les gens. Oh, non, les gens, mon Dieu, je ne le trouvais pas fort. Mais... Ah ouais. Oh. Il y avait une grosse différence de mentalité entre Arven et Hu. Entre les gens d'Arven et les gens de Hu. Oh, mon sang. Pour bien dire le vrai, je ne me faisais pas une idée de ce que ça peut les fesses. Parce que je n'avais tout de même que 14 ans. Alors, et voilà. Pour mes, mais par exemple, je vais bien quand je vais faire un jeune dans la campagne, elle roule à eux. Les tuteurs en mettant dans le roue. Pour les comptes des rues, les tuteurs trottoir. Ça c'est typique, non? À ce tour peu. Parce qu'ils ne rient peu. Ils ne rient peu. Mais alors, ouais, en paysan, ils les tuteurs en mettant dans le roue, non? Voilà, puis c'est tout. Et vous étiez sur le trottoir ou sur le roue? Ben, pour bien dire vrai, je me sentais aussi paysan qu'un autre, je m'aimerais ça. Mais, tout de même, je me lève d'Aven, mais j'allais passer sur un à eux parce que mes parents étaient à eux, mes parents, mes mamans, les gars. Un papa, c'était moi. Alors j'allais temps en temps entre mes frères et mes soeurs, non, voilà, une famille enfin, en vacances, je te pose, je suis le guerre dans l'hier, non. Non, il n'y a rien à vous faire, donc on apprend des pâtissiers. Ah, mais non, il m'a trompé. J'étais dans la guerre à ce moment-là. J'étais le guerre. Quand je suis venu à Charles, c'était le guerre des 14-18. Alors, la dernière année, fait mon maman, non, à ce moment-là. Mais c'est après la guerre qu'il y a eu apprenti pâtissier. Maintenant, les manies te plaignent, pâtissier. Oh, oui. Le patron, ma soeur, et je suis une bonne. Je suis le bon patron. Ouais. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on a dit? On dit lui-même. Tu as faim? Manger de la tarte, faut dire. Hein. Ben, la tarte. Ben, on a fait tellement qu'on se dit la même année. Quoi que je dise, je mangeais quand même de la pâtisserie. Ouais. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qu'on a perdu comme apprenti pour s'attaquer, pour comment ainsi ah ben, à quoi fait on s'en met dans l'oreille tout de rue. Tout de rue. Que monsieur Fidel passe, tout de rue, tout de rue. Ouais. Monsieur Fidel passe à mettre les pages dans les platines, là. Et voilà. Il m'a fatigué. Il a divisé le passe, il a pesé, il a roulé, roulé le passe. La platine, maintenant la platine, voilà, elle est bordée. Tout de rue, tout de rue. Ouais, celui-là. Et qu'est-ce que le patron fils d'Ipus qu'il a apprenti? Ah ben oui, Boloï. C'est surtout le pâtisserie, là, non, parce que, et puis d'abord, ignorer les proportions, non, parce que même pendant pas de proportions, il fallait qu'il y ait une maladie, il fallait qu'il y fasse attention, c'est vrai. Moi, je ne savais pas quand je suis du pâtissier, aussi du sérieux, tu vois, ça fait que les nouveaux venaient, bon, on a des bites par ça. Non, parce que on s'est bien installé un coup décidé. Non, parce que mes frères, les pevis travaillent vachement de fer. Les hommes, ils travaillent devant une fabrique. Parce qu'on faisait des boulons. Des gueules-gazettes, ça, non? Boulons des prud'hommes. Ah oui, des prud'hommes. Et puis, travaillons à des stats. Et puis, le stage m'a fait aussi, mais ça ne lui plaît pas. Mais il y avait besoin d'aller devant une fabrique, voilà. Et justement, on vendait une kibon, après quoi, voilà. Ah oui. Après avoir soutenu le pâtissier. Ah oui. C'était mon vendant qui va. Et pour que fait là, mon vendant qui va? Ah ben là, mon vendant qui va, c'est pas chez Malieur là. Travaillons un petit peu à l'tol, ça veut dire, à l'tolerie là. Mais je n'en ai plus là qu'un plaif. Un plaif. Aller faire les presses, voilà. Et tourner les presses. Il a tourné les presses. Ben, 8 ans de mai. On aurait 8 ans de mai, les mailleries. Quelle sorte de pièce est-ce qu'on vive? Oh, on se fait un peu comme un fatigue de vie. On se fait toute la face du manuque, pour monsieur, non? Toute la face du manuque, casserole, marmite, palette, tout ce que vous voulez. Bassin pour se laver, non? L'eau, c'est qu'on reste, et tout ce que vous voulez, non? Et puis, on vive des urinaux, des douches que nous l'omènent sous là. Il y a ce qu'on a sous là, c'est un français qui dit, voilà, il y a l'homme qui fait une douche, on l'omène sous là, des douches. Enfin, non. Et puis, on a fait les plaques de vélo. Des années et des années qu'on a fait les plaques de vélo, on en a un petit peu. Ouais. Ouais. On faisait des pannes pour faire les hôpitaux. On travaillait pour les trains d'hier aussi. On faisait des. On a fait bramer. Et à plusieurs. Ouais. À plusieurs coups. On faisait des amphores, des hénales où on se trivolait, et puis une page de gueule là, un an. Et on vivait ça pourquoi? On faisait ça pour l'Abyssinie. Pour l'Abyssinie. E lui pensava che io partisse a essere eccesso, non si deve. Kevin Paulina expliquait un petit peu l'évolution de chez Amon van den Kibon pour faire une casserole par exemple, toutes les opérations qu'il fallait faire. Ah, mais c'est bien. Du début. D'abord, il y en avait les tolles, non? Et les supérieurs de la tolle, il y en avait des spesses et des plus minces. Alors, elle devait être découpée, donc, non, selon les calibres d'une casserole ou d'une marmite. Et puis alors, elle passait par les presses. C'est du monument, cette presse-là. Ça tient des sur le tol, on moule, quoi, non? Et que tient des dans le cou, sur le tol, et c'est foncé plat de vin, mettons 2 cm. Et puis alors, on repassait le tol est fort. Devant fort, on recueille, ramener vers le presse, on raccommissif, avant on moule, on peut plus stru, on raccommissif le vrai, et non, et on siffle que 2 cm, jusqu'à ton, et ça se suffit, ensuite 3, 4, 5 coups. Ah oui. Alors, ça se pas fait une casserole, ça. Du profit des marmites. Mais, pour faire une capture, ça ne se faisait comme ça. Bon, on découpait les tolles. On trapèze, quoi, non? Alors, si tu tournais, et puis si tu saudais. Et on saudait les fonds aussi. C'était sauvé à l'électrique, non, ce studio. C'est celui-là, votre ouvrage, c'est de tourner ces pièces-là. Non, non, mais non, non. Non, moi, je mets tout sur une machine comme ça, parce que pour, d'abord, ce studio d'André, c'est machine, il fallait pas s'habituer. Mais dit, non, on a mouru longtemps assez, elle tolerait qu'il n'y ait pas. Vous arrivez à ces machines-là. Vous arrivez à ces machines-là, non. Non, non, non. Non, mais je suis allé maillerie, alors, non. Et. Je suis gamin, il faut voir, et puis. Et puis il va s'expliquer cela, il y a ce gamin de fort, et puis il a mené le foot, et puis il y a ce que vu. Et à quoi est-ce qu'on veut dire que c'est ce cul? Il n'a vu des thermomètres, mais c'est ce que tu as l'eau, il... Non. Il a vu d'abord vraiment des femmes, mon Vanden Kibo, mais non. C'est elle qui est mariée. Les marchandises, c'est elle qui est maligne. Elle avait des grands batchs, à mon liquide, de l'émail, enfin, quoi, de l'émail, comme un fatigué dit, crou, si je peux dire comme ça. Oui. Et que si tu arrangis, pour qu'il puisse. Recouvrir les tolles sans corriger Dieu, hein, non? Sans dégouliner Dieu. Elle trimpine les passes de vin, non? Elle les ruine. Et puis les mettine pour souer, pour que ça soue. Il y a vu de s'échouer. C'est-tu grand? C'est-tu immense? Ça a l'air de rien, ces garettes-là. Des pompiers là. Mais quand je suis les mairies, ça avait l'air brun, un peu grand que ça. Mais... Quand ça, tu sais, alors, les gamètes forts, à l'inquérir les pêches devant les séchoir, et les apprêtines en fort sur les grands retards. avoir les forts achetés à deux moufles. C'est des moufles qu'on nomme ça les Français aussi. C'est-à-dire deux costés. Deux costés. Et il y a eu une faute. Une grande faute.